Bonsoir à tous. Il est 18h, l'heure venue de passer à l'émission 100% Union. Donc tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Union portugaise, c'est tous les lundis de 18h à 19h sur Arc-en-Ciel. Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs, à tous nos licenciés qui nous écoutent aujourd'hui. Donc 100% Union, tout ce que vous voulez savoir sur l'Union portugaise. Donc l'émission d'aujourd'hui, donc comme d'habitude, un petit retour sur les matchs du week-end. Donc un peu moins nombreux qu'à l'habitude, mais on avait quand même quatre matchs ce week-end. Et ensuite, on aura en invité aujourd'hui deux joueurs U15 ainsi que leur coach qui viendront donc d'une part débriefer le match qu'ils ont fait ce week-end et on aura aussi une petite vision plus générale de cette catégorie, donc les U15. Donc avant toute chose, bonjour Yousra, merci bonjour. Encore une fois d'être avec nous. Et donc on va pouvoir passer au premier résultat du week-end. Oui, donc un plateau pour nos équipes U9 qui avait un plateau à Orléans Métropole Académie. Donc trois équipes de nos U9 avaient des matchs. Donc l'équipe 1 a fait 4 victoires, l'équipe 2 4 victoires et pour l'équipe 3 2 victoires, 1 nul et 1 défaite pour le plateau des U9. Donc un très bon résultat, des très bons résultats pour nos petits jeunes qui reprenaient donc la compétition après les vacances. Ensuite donc à 14h se jouait un match U11. Oui, l'équipe 1 des U11 se déplaçait à la Chapelle Saint-Mémin. Recevait la Chapelle Saint-Mémin, victoire 2-1 pour l'équipe de 1 des U11. D'accord. Donc on va écouter les différents protagonistes de cette rencontre pour les U11. Bravo pour cette victoire 2-1 face à une belle équipe de la Chapelle. Vos impressions sur ce match ? Merci. Victoire difficile suite à un gros match de la Chapelle et de nous-mêmes. On a eu un match très engagé physiquement. On a eu pas mal de blessés durant la partie. Donc j'ai dû faire des réajustements techniques qui nous ont amené à la victoire, mais c'était anecdotique parce que ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Donc tant mieux pour nous et je tiens à féliciter tous les joueurs qui se sont sacrifiés et démenés comme j'ai rarement vu cette saison. Je leur avais mis une petite pression aujourd'hui en leur disant on est premier, si on veut le rester ça part forcément par une victoire aujourd'hui. Et je leur ai dit on part pas d'ici sans une victoire. Chose faite, donc fier de mes joueurs et on a livré un beau match et bravo à la Chapelle pour leur engagement et leur beau match également. Vous conservez la première place du classement. Est-ce qu'on peut espérer le titre à la fin de la saison ? Après cette victoire, moi, c'est ce que je vise avec les enfants. Il nous reste 2 matchs, donc 2 victoires pour moi. Et comme ça, on sera champion. Je pense qu'on est capable de le faire. On a fait les plus gros matchs, les matchs les plus difficiles, normalement, sont déjà passés. Après, des fois, on peut avoir des blessés, des absents, on sait jamais, mais... J'espère 2 matchs et 2 victoires à venir et le titre à la fin de la saison. C'est tout ce qu'on espère pour le groupe et je pense qu'on est capable de le faire. Voilà, merci. Je suis avec Raphaël, donc défenseur de l'équipe 1 de l'Union U11. Les U11 jouaient aujourd'hui contre la Chapelle en niveau 1. Victoire donc 2-1 pour l'Union. Raphaël, qu'as-tu pensé du match ? En première mi-temps, c'était très serré. On a eu des occasions, etc. Il y a eu toujours 0-0. Et en deuxième mi-temps, on a mieux démarqué, on a mieux tiré, on a formé plus d'occasions et on a marqué 2 buts et ils ont marqué 1 but. Et toi, personnellement, tu l'as trouvé dur ce match ? C'était assez difficile, mais si on n'était pas stressé, ça pouvait aller, mais c'était quand même assez stressant. Merci Raphaël. Je suis en présence d'Anès. Donc Anès, aujourd'hui tu joues aussi contre la Chapelle pour le maintien du coup de la première place du classement. Toi t'as pas forcément tout le temps titulaire en équipe 1. Là t'as été choisi pour ta constance au niveau de tes entraînements. Et du coup, qu'as-tu pensé du match ? On a très bien dominé la première mi-temps. On avait réussi à maintenir le score. On n'a pas fait que 2 tirer, il fallait encore plus tirer et on l'a fait en deuxième période. Du coup, toi, personnellement, au niveau de ta prestation, t'as trouvé ça comment ? Je n'ai pas fait un grand match non plus. J'ai réussi à faire des passes et des fois des occasions décisives. Ok, et au niveau de ta défense, vu que t'es rentré défenseur à un moment, il fallait tenir son joueur. Est-ce que tu l'as fait, du coup ? Oui, j'ai réussi à le tenir. Très bien. Elle bougeait un peu. C'est bien. Bravo pour la victoire. Donc voilà pour les U11. Donc victoire 2-1 face à la Chapelle. Donc cette victoire permet à nos U11 de garder leur première place. Félicitations à Abraham qui a été l'auteur des 2 buts sur cette rencontre. Donc un peu plus tard dans l'après-midi, donc nous avions un match U19. Oui, l'équipe U19 se déplaçait à Boulay-Brissy-Gigy. Match nul pour les deux équipes. Donc, sur le score de 1-1. Donc donc un partout pour nos U19. Donc on va écouter les différents protagonistes de cette rencontre. Donc je suis en compagnie de Nathan et Aymen, joueurs U19. Je commence par toi, Nathan. Match nul, un partout face à Boulèbre ici, j'ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a manqué pour repartir avec les 3 points aujourd'hui? Plus d'agressivité pour l'équipe et devant le but, plus de rigueur. Est-ce que tu penses ou vous croyez encore à la première place pour le classement à la fin de la saison? Oui, ça va être difficile, il faudra gagner tous les matchs. On ne peut plus faire d'erreurs, mais on y croit encore. Okay, merci. Et toi, Aymen, donc buteur sur cette rencontre, un peu comme pour Nathan, qu'est-ce que tu penses qui vous a manqué aujourd'hui? Devant les buts, on ne marquait pas assez, on ne tirait pas assez, on préférait dribbler que tirer. Et du coup, on ratait plusieurs occasions. Et franchement, c'est à cause de ça, on va dire, entre guillemets, qu'on a fait un match égalité contre Boulbris et on espère gagner les autres matchs. Tu y crois, toi, comme Nathan? Une première place, c'est possible encore? Bien sûr, j'y crois, mais après, il faut tout gagner aussi avec l'entraînement. Et c'est tout, hein. L'entraînement, il faut être plus agressif et marquer devant les buts. Et après, peut-être on va être premier. La poule, j'espère. Okay, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Félicitations pour ton but et j'espère une victoire la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonjour, je suis actuellement avec Xavier, coach U19. Bonjour. Xavier, vous avez joué avec les U19 ce week-end à Boulay-Brissy-Gidy. Match nul, est-ce que c'est un score qui vous convient ou on aurait pu espérer quand même une victoire? Non, c'est pas un score qui nous convient. Quand on voit le match, on a la possession, on a aussi quand même plus d'occasions qu'eux, même si on doit faire mieux offensivement. Mais globalement, non, c'est un match nul frustrant. Ils ont ouvert le score sur coup de pied arrêté juste avant la mi-temps. C'est un peu votre point faible, les coups de pied arrêtés, non? C'est possible. Après, c'est vrai qu'on travaille pas forcément, mais bon, on est plus à travailler le jeu pour essayer d'avoir cette possession de balle. Là, on l'avait. Et malheureusement, en fait, on a été inefficace lors des 30 derniers mètres. On n'arrivait pas vraiment à se mettre en situation. Et puis il faut aussi reconnaître pour le coup que les adversaires en voulaient peut-être un peu plus que nous sur ces 30 derniers mètres. D'accord. Et est-ce que vous pensez finir premier au classement ou deuxième éventuellement? Alors on était déjà un peu dans le... on devait déjà faire un excellent parcours pour pouvoir terminer premier. Avec ce match nul, cela nous oblige vraiment à ne plus avoir un seul joker. Donc il reste, c'est simple, il reste 3 matchs. Si les joueurs veulent être premier, il faut 3 victoires. Et peu importe les adversaires qui se présenteront. Ok. Bon bah les gars, si vous nous écoutez, un bon coup de pression pour être premier et gagner les 3 prochains matchs. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci à vous. Merci bien. Et puis j'espère que vous serez entendu. Donc voilà pour nos U19. Donc buteur sur cette rencontre, Aymen, qui a été interviewé. Donc encore une fois, merci aux joueurs qui se prêtent au jeu de répondre à nos questions en fin de match. C'est pas toujours facile, surtout quand le résultat est pas forcément favorable ou pas forcément ce qu'on espérait. Donc avec ce match nul, nos U19 sont donc en 3e place du classement, donc avec un match de retard par rapport à Poilly-Autry qui est 2e. Et comme l'avait dit Xavier la semaine dernière, donc le coach, ils auront une double confrontation avec Mandoré, donc l'équipe qui est en première position actuellement au classement. Donc on en reparlera bien évidemment sur les prochains week-ends. Donc Youssef, ensuite le dernier match de ce week-end, enfin l'avant-dernier puisque le dernier ce sera les U15, mais il sera commenté ici directement. Oui. Donc dernier match de ce week-end, ce dimanche, pour l'équipe une des seniors. Donc victoire 6-2 face à l'équipe de Coulon-Cerdon. Et donc on écoute les différents protagonistes de cette rencontre. Alors bonjour, je suis avec David Bigot, qui donnait un coup de main à l'entraîneur principal qui jouait au but. Victoire 6-2 face à Coulon, c'est ça? Bonjour, oui, c'est bien ça. Tout s'est joué en seconde période, hein, il y avait 1-1 à la mi-temps. Donc comment analysez-vous le match? Tout à fait, donc sur la première mi-temps, on a eu le ballon avec nous, on a dominé une bonne partie, mais comme souvent, on n'a pas su concrétiser nos différentes phases offensives et nos occasions. Donc on se fait surprendre sur un but, sur une perte de balle, donc où on sort pas sur le porteur, et donc effectivement 1-1 à la mi-temps. Ok, du coup après c'est une bonne entame de seconde qui permet d'un peu de libérer tout le monde. Voilà, tout à fait. Donc les joueurs ont rempli l'objectif d'aller faire le break d'entrée de jeu. Donc on récupère un ballon, je crois au bout de 30 secondes de jeu de deuxième, et on réussit à marquer d'un beau pointu. Il y avait juste ça à finir devant les deux défenseurs et le gardien. Et c'est au fond, et ça fait du bien, et puis je pense que ça libère aussi l'équipe qui s'est lâchée un peu plus sur la suite. D'accord. Donc l'objectif est atteint, on peut espérer vous revoir sur le banc pour aider David Moreira. Vous savez mon engagement en tant que dirigeant passionné, effectivement de temps en temps si besoin, c'est toujours un plaisir, je fais toujours ça avec passion, donc effectivement il y a toujours un petit peu de reste, donc avec plaisir. Très bien, ça marche. Merci. Merci. Merci pour tout et puis bonne continuation. Merci. Oui, alors je suis avec Amadi, grand artisan de la victoire avec son triplé. Hein, donc bravo, félicitations. Merci. Comme on disait avec David, une première mi-temps un peu plus, beaucoup plus fermée, et puis la deuxième, vous vous êtes lâché, quoi. Ouais, la première mi-temps c'était un peu difficile parce qu'on ne joue pas comme il faut, mais deuxième mi-temps on joue comme il faut, on était soutien, on est soutenu, tout ça, mais ça va, on a gagné tout ce qu'on voulait, c'est la victoire. D'accord. Et à titre personnel, 3 buts, c'est souvent? Souvent, oui. Mais j'ai marqué doublé plus que ça. D'accord. Bon, eh ben merci bien en tout cas. Et puis bonne continuation. Merci. Donc voilà pour nos seniors. Donc en plus de d'Amadi, buteur par 3 fois sur cette rencontre, donc on a eu aussi un but de Chaïd, un but de Zakaria et un but de Yuba. Donc belle victoire de nos seniors par des scores un peu expressifs, 6-2. Donc avec cette victoire, on est donc l'équipe 1 de l'Union se retrouve donc en 7e place du classement, avec toujours un match de retard par rapport au 6e. Donc voilà pour le tour des rencontres du week-end. Donc la dernière rencontre qu'on abordera tout à l'heure, donc c'est les U15 qui ont fait un déplacement à Villemandeur, donc le samedi matin. Donc ils ont dû se lever tôt. On en parle tout de suite après une petite pause avec les différents protagonistes qui seront avec nous aujourd'hui. Primeiro andar, a contar, vindo do céu. devinez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43. Donc vous êtes bien sur Arc-en-Ciel, 100% Union, tous les lundis de 18h à 19h. On fait un retour sur nos matchs du week-end donc, qui vient de se terminer. Et on fera aussi une présentation des matchs qui auront lieu donc, le week-end prochain. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, on a aujourd'hui des invités. Donc aujourd'hui la catégorie U15 est à l'honneur. Donc j'ai avec moi en studio Sébastien qui est coach avec Anthony qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On a aussi deux joueurs, donc Raphaël et Tony qui sont avec nous. Donc bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va commencer par peut-être parler du match de samedi. Donc vous vous déplaciez à Villemandeur samedi matin. Match 4-4, donc un match assez serré. Sébastien, tu peux nous faire un petit récap? Oui, match serré, très très très beau match des U15. Manque de chance sur ce match-là. Très très beau match de la part de mes joueurs. Je pense qu'il méritait d'avoir de le gagner carrément le match. Ça nous aurait aidé pour la fin de saison, mais malheureusement, on va prendre le 4-4 et satisfait des joueurs. Et donc vous, les garçons, donc vous étiez samedi présents au match, tous les deux? Oui. Tiens, Sébastien, tu peux nous dire les buteurs, parce que je n'ai pas la liste pour les buteurs de la rencontre. Alors, les buteurs sont Amadou, deux fois, Iliès et Tony. Tony qui est avec nous là. Donc Tony, j'en profite pour te féliciter pour ton but. Et toi personnellement, qu'est-ce que tu as pensé du match de samedi? Je trouve qu'on a fait un plutôt bon match. Malheureusement, on n'a pas pu gagner comme Sébastien l'a dit tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, franchement, on a plutôt bien joué. On a été en supériorité. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Et toi, donc Raphaël, tu étais au goal ce match-là. Qu'est-ce que toi, tu as pensé du match? On a assez plutôt bien joué. Après, bien sûr, il y a eu des mauvais... Des petites erreurs? Ouais, des erreurs dans le match. Mais sinon, on méritait de gagner. Bon, en tout cas, le match nul vous permet d'être pour l'instant à la sixième place. Donc pour une première année, on peut dire que c'est pas trop mal. Il vous reste un match, c'est ça, Sébastien? Oui, un match le week-end prochain à Belfast. Mm-hmm. Match pas qui compte pour rien, parce qu'on peut peut-être accrocher la quatrième place. Je pense que sur le résumé de toute la saison, les U15 le savent, ils auraient pu faire mieux. Parce qu'on avait l'effectif pour jouer la montée, on avait les joueurs pour. Malheureusement, c'est comme ça. On va prendre et on fera mieux l'année prochaine. Donc, là, nous, les U15, donc cette année, c'était une création d'équipe. On n'en avait pas l'année dernière. Donc, pour toi, la difficulté, quand vous avez pris le groupe, c'était quoi? C'était plutôt intégrer tous les joueurs ou, quelles ont été, vous, les problématiques que vous avez rencontrées sur cette catégorie-là, les U15? Il y a eu pas mal de choses à voir. Il y a eu pas mal de réglages au début. C'est vrai qu'on a commencé au mois de janvier durant avec des matchs à 11. Après, personnellement, je pense qu'il y a du travail à faire aussi avec nous, les coachs. Bien sûr, il n'y a pas que les joueurs. Mais il y a beaucoup de joueurs qu'il va falloir qu'on recadre l'année prochaine pour repartir de plus belle. En sachant qu'on aura pas mal de joueurs phares qui vont aller en U17, notamment Tony. Donc voilà, on perd quand même des éléments l'année prochaine, donc on espère en récupérer pas mal. Et du coup, comme tu le disais, donc il y a pas mal de joueurs qui vont partir, mais on garde quand même une ossature assez importante sur cette catégorie-là. Le fait d'avoir justement plusieurs âges, plusieurs niveaux. Nous, on rencontre la situation en U11. C'est vrai que j'imagine que c'est plus problématique pour vous en U15 pour des enfants qui démarrent le foot à 13 ou 14 ans. C'est vrai que vous n'avez pas forcément le temps de voir les bases avec eux. Est-ce que toi, personnellement, tu penses que ça peut être une difficulté supplémentaire pour le groupe? Oui, on a vu vu qu'il y avait pas mal de... Il y a une classe d'écart entre certains joueurs quand même. Fortement, on voit la défense, il y a deux joueurs qu'on peut sortir du lot. Mais en attaque, on a, comme on a vu dimanche, samedi je veux dire, on a quand même, les attaquants sont relativement plus hauts que certains autres joueurs qu'on a. Et dont un très bon gardien, que je félicite encore. Parce que sans lui, on serait peut-être même dernier encore à l'heure actuelle. Donc bah, le gardien justement c'est toi Raphaël. Donc toi Raphaël, ça fait un petit moment que t'es à l'Union, donc t'es là depuis depuis 2016, donc on va sur les 6 ans. Quand t'as commencé tout de suite au but ou c'est venu après? J'ai commencé de suite. De suite au but, c'est parce que tu voulais tout de suite être gardien ou? J'aimais être gardien alors j'ai voulu. D'accord. Et ça a un rapport avec le fait que ton père ait joué gardien? Non. Non, pas forcément. Tu suis pas les traces de papa? Si, un peu. Et du coup, donc toi, donc ça fait 6 ans, donc on t'es à l'Union depuis les U9, donc t'as fait pas mal de catégories. Est-ce que pour toi, ça a été compliqué de passer du foot à 8, donc jusqu'en U13, au foot à 11, où là, tu te retrouves dans un beaucoup plus grand but? Oui, un peu quand même. Un peu. Et pour toi, quelle est la plus grosse difficulté, justement, le plus gros changement quand tu passes sur du foot à 11? Non. T'as pas entendu. Donc je te demandais, quand tu passes de foot à 8 au foot à 11, pour toi, quelle a été la plus grosse difficulté? Je sais pas, mais... Pour toi, c'est pareil, un but, c'est un but? Donc on a des petits soucis de micro là pour Raphaël. Donc je vais juste poser une question donc à Seb. Seb, toi t'as été aussi gardien de foot à l'Union avant d'être éducateur. Est-ce que vous avez le temps aussi pendant les entraînements de faire un peu de spécifique gardien ou c'est compliqué avec le groupe que vous avez Non, on a essayé de le faire quand on jouait à 8. On l'a continué un petit peu en début d'année, mais c'est trop compliqué. On a beaucoup trop d'enfants à gérer pour pouvoir mettre un seul coach sur un seul gardien. Et donc là, en fait, là dans le groupe U15, à part Raphaël, vous avez pas d'autres gardiens du coup? On en a un autre, mais on ne voit pas trop. D'accord, donc en fait là... Normalement, le gardien numéro 1, de toute façon, quoi qu'il arrive, à n'importe quand, il peut y avoir un autre gardien, ça sera toujours Raphaël. D'accord. Et comme tu m'avais dit samedi, pour avoir côtoyé Raphaël sur les autres catégories quand il était plus jeune, il a des fois un peu envie d'aller sur le terrain. Donc est-ce que ça, c'est possible aussi c'est possible aussi ou pas forcément? Non, je pense pas. Non. On verra l'année prochaine comment ça peut se dérouler. Mais sa place, sincèrement, c'est vraiment gardien. Et il a l'étoffe pour le faire. Avec beaucoup d'entraînement qu'on fera l'année prochaine, il sera très bon. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis on n'a pas de doute, en tout cas, pour l'avoir vu, moi, personnellement, sur les catégories U11, c'est vrai que c'est un très bon gardien. Bon, des fois, il est un peu tête en l'air, faut le dire aussi. Oui, mais il s'est calmé déjà. Bon, avec l'âge aussi, oui, j'imagine. Donc, toi, Tony... un peu comme Raphaël, tu avais fait tes débuts à l'Union, après tu as un peu arrêté le foot et donc ouais. Là tu es revenu en U15. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir au foot? Je me suis dit que j'avais eu une poussée de niveau assez conséquente parce que je m'étais entraîné beaucoup seul pendant 2 ans. Puis après, je me suis dit que je voulais retester en club. Puis après, j'ai bien accroché, du coup, j'ai voulu rester. D'accord. Donc, depuis que tu étais parti, donc en U9, c'est ça? T'avais pas, tu t'entraînais que de ton côté, t'as pas voulu retenter l'expérience en club? Non, j'étais bien de mon côté, après je me suis dit je voulais réessayer. Ok, donc là, le fait d'être, la compétition et d'être avec les copains, c'est peut-être un peu plus intéressant aussi que de s'entraîner tout seul de son côté. Oui, parce qu'il n'y avait pas trop de compétition, vu qu'on jouait souvent beaucoup entre nous, mais ça comptait pas vraiment. C'était juste des matchs parmi tant d'autres. Ok, et donc toi, tes objectifs personnels là, pour cette saison qui va se terminer pour vous dès la semaine prochaine avec votre dernier match, ça serait quoi? Ça serait marquer plus de buts ou... Moi, j'ai pas beaucoup d'objectifs personnels, ce serait plus des objectifs en équipe. C'est plus aller accrocher la 4e place. C'est mon objectif. D'accord, donc victoire impérative la semaine prochaine? C'est ça que je mets. Ok, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec la suite de l'interview de nos U15. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Sur Arc-en-Ciel. Vous êtes bien sur Arc-en-Ciel, 100% humain, tous les lundis de 18h à 19h. où on revient sur tous les matchs du week-end qui vient de se terminer, et on abordera les prochaines échéances donc pour le week-end à venir. Donc aujourd'hui, émission spéciale avec nos U15. Donc on a avec nous au studio Sébastien, donc le coach de la catégorie. On a Raphaël et Tony, deux joueurs de la catégorie. Donc on revient un peu sur vous, votre parcours individuel à chacun. Donc je vais commencer par toi, Sébastien. Donc toi, tu as commencé plutôt à l'Union comme joueur, c'est ça? Oui. Et donc tu as été quelques années joueur avec nous? J'ai fait 6 ans à l'Union. Tu as fait 6 ans. Et donc après, tu es revenu pour coacher parce que ça te manque. J'avais déjà une équipe à l'Union à une époque. Pareil, il y a 13 ans. Oui. Et là, je suis revenu. Tony voulait revenir. Donc quand on m'a proposé de reprendre une équipe, je n'ai pas dit non. D'accord. Et donc, toi, dans ton cursus, tu as aussi été arbitre. Est-ce que ça pourrait t'intéresser de reprendre ou... Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non. Donc, juste arbitrer de temps en temps les catégories, c'est suffisant? C'est ça. Donc, alors, ça, c'est aussi une problématique, je pense, qu'on rencontre dans un peu tous les clubs, c'est l'arbitrage. Donc, c'est vrai que nous, spectateurs ou même éducateurs, des fois, on n'est pas forcément tendre avec les gens qui arbitrent. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'ils ont eu, la semaine dernière, la venue de quelqu'un du district, non, justement, par rapport à ça. Oui, on a un ambassadeur arbitre qui a vu la semaine dernière. Oui, tu peux essayer. Et donc, tu penses que ça peut... Enfin, est-ce que des vocations peuvent naître parmi tes joueurs ou pas spécialement? Non, dans les 15, je pense pas. Non. Il n'y aura pas de... Pour l'instant, ils en parlent pas entre eux. Donc, on verra. Okay. Donc, vous, les garçons, c'est sûr, non, arbitre, ça vous intéresse pas? Non. Et pourquoi? Je sais pas. Moi, c'est... Je me focaliserai plus sur joueur de foot qu'arbitre parce que je suis pas du tout bon dans ça. Et ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Et c'est parce que c'est un poste aussi qui est beaucoup de responsabilité, puisque vous avez quand même un peu. Ils ont un peu le résultat du match, des fois, entre leurs mains. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, des fois, on a tendance à vite remettre un peu tout ce qui ne va pas sur le dos de l'arbitre. Et c'est vrai que nous, les éducateurs, les premiers. Donc je comprends qu'effectivement, à cet âge-là, on n'ait pas forcément envie d'être arbitre. Yousra, tu avais des petites questions à poser, toi, à nos jeunes. Oui, donc moi, j'aimerais savoir, les garçons, comment vous avez connu le club, l'Union Portugaise? Moi, je l'ai connu à l'intermédiaire de Sébastien. Pour moi, c'était plutôt une amie de ma mère qui m'a fait connaître ce que je voulais faire du foot. Alors, comme elle la connaissait, elle était coach, alors bah, je suis allée. Donc, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer au foot, de taper dans la balle pour la première fois? C'est un joueur ou c'est venu de vous-même ou c'est en voyant papa ou... Moi, je dirais plus c'est venu de moi-même. D'accord. Plus mon père. Plus ton père. Et donc toi, Raphaël, t'es un des... on va dire des quelques Portugais qu'on a au club. Donc le fait que tu joues pour l'Union Portugaise, est-ce que ça a joué ou c'est vraiment une coïncidence pour le coup? Non, juste coïncidence. Juste coïncidence. Ok, très bien. Et donc une autre question. Vous avez toi, t'es plutôt gardien de but. Est-ce que ton joueur préféré ou celui qui t'admire le plus, ça serait un gardien de but ou pas spécialement? Non. Non. Ça serait qui alors? Ronaldo. Ok. Et toi, Tony? Vinicius Junior, donc Real Madrid, ok. Et du coup, est-ce que vous, les garçons, vous envisageriez une carrière professionnelle dans le foot, si jamais ce serait possible, ou c'est vraiment vous jouez pour le loisir, pour le plaisir, et vous n'avez pas ça en tête du tout? Si ce serait possible, en vrai, je pourrais envisager de le faire. Mais pour l'instant, je peux rester en loisir et je vais plus le rester pour localiser sur mes études. Ok, très bien. Et toi, moi, Raphaël? Si je pourrais, bien sûr que j'irais. D'accord. Okay. Et un club favori pour vous? Qui vous ferait rêver, un club? Paris. Paris, toi, Raphaël? FC Porto. Ah, bon, tu fais partie de ma team, Raphaël. Et plus localement, est-ce que des fois vous allez voir les matchs, par exemple, de l'USO ou... Je suis déjà allé voir des matchs de l'USO, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé en voir. Et toi, Raphaël, non? Moi, pas du tout. Et le foot à la télé, vous aimez bien regarder ou pas spécialement? Oui, ça. Okay, parce qu'on a certains, enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on a certains joueurs qui, nous, dans nos catégories, qui aiment bien jouer au foot, mais alors pour regarder, c'est vrai que ce n'est pas les premiers et ça ne les intéresse pas forcément. Et donc, du coup, vous les garçons, est-ce que vous voyez continuer dans le foot encore pendant plusieurs années? Et si oui, encore au sein de l'Union portugaise ou bien une autre équipe dans la région ou dans les alentours vous donnerez envie d'essayer un autre club ou pas du tout? Pour l'instant, moi, je me verrais bien continuer à l'Union portugaise, donc ça se passe bien et que j'ai une bonne communauté. Enfin, il y a une bonne atmosphère au niveau des joueurs et des entraîneurs. Pareil, il y a des bons joueurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc en fait, bon, après c'est vrai que là on a la chance cette année. Et bon, je pense, enfin j'espère qu'on aura le même cas l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on a une continuité depuis les U9 où on a vraiment maintenant toutes les catégories jusqu'au senior. Donc c'est vrai que si nous on peut garder nos joueurs, nos bons joueurs, les former et les garder jusqu'au senior, comme c'est le cas avec certains joueurs qui ont débuté tout petit à l'Union en U7 et en U9, donc effectivement nous ça serait vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on continuerait et qu'on vous verrait grandir, donc un peu comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que Raphaël, moi je le connais depuis les U9, donc ça fait déjà quelques années, ça nous rajeunit pas, mais en tout cas oui, c'est intéressant de les voir progresser aussi et devenir des très bons joueurs de foot aussi. Et moi, j'ai une dernière petite question. Est-ce que vous verrez peut-être dans les années à venir coacher également au sein de l'Union portugaise comme Fernanda a pu le faire quand elle était joueuse et comme elle le fait aujourd'hui? Ou pour l'instant Moi, ça me plairait bien de coacher des joueurs pour voir comment je pourrais les aider à l'avenir et tout ça. Moi, non. Moi, je préférerais vraiment joueur et... Ok. Et donc toi Sébastien, donc là t'as repris un peu cette année une équipe. Pareil l'année prochaine on peut encore espérer te voir. L'année prochaine je re-signe à l'Union sans problème. D'accord. Et tu resterais pareil avec cette catégorie là ou t'aimerais aussi peut-être des plus petits, des plus jeunes? Je sais pas, on va voir. Faut que j'en reparle aussi déjà avec Anthony. Normalement oui, on reste avec la catégorie que j'ai là pour les suivre encore. Mais l'objectif c'est que au fur et à mesure je puisse monter en catégorie bien sûr. Ok, donc bah après nous c'est vrai que on a toujours possibilité au sein du club de faire des formations qui permettent un peu d'aborder différentes catégories, mais toi les plus petits ça t'intéresserait pas par exemple? Non. Vraiment que sur les plus grands où il y a un peu plus de jeu et un peu plus de matière. Jusque là oui, dans les 15 c'est bien, mais dans un trop petit ça. Bah il faut avoir de la patience quoi. Oui, et puis c'est pas pareil. C'est plus de la découverte là. Les U15, ils sont normalement censés savoir tout ce qu'ils ont à faire, les bases. Donc c'est plus sympa. Après, c'est vrai que, enfin, nous, pour c'est vrai qu'on fait un peu les plus petits, donc on a effectivement pas mal de travail de base. Après, c'est vrai que j'imagine qu'avec les plus grands, c'est un peu plus. On voit d'autres types d'entraînement. On est plus sur de la tactique et peut-être plus de la mise en place que sur des bases, quoi. Oui, et puis on peut mieux préparer nos matchs, on peut... Normalement, ils sont plus restrictifs à ce qu'on peut leur dire de bon ou de mauvais. Chose qu'on ne peut pas. Et quand on est, comme Anthony et moi, on est surtout sur la gagne, malgré qu'en ce moment, ça ne se passe pas très bien. Mais voilà, c'est pour ça qu'on resterait sur les U15 pour l'instant. Ok, très bien. Et vous, les garçons, par exemple, aux entraînements, qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous plaît le moins sur les entraînements, par exemple? Plaît plus, moi, je dirais plus genre les activités où on fait avec genre des matchs avec tout ça. Comme ça, on voit la comparaison entre les joueurs, on voit quelle équipe peut être placée ou comparée à une autre. Et ce que j'aime le moins, c'est qu'on fait tout le tour de l'île. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive de plus en plus souvent en ce moment. Il faut vous faire courir, il faut être en forme, les gars. Et toi, Raphaël? Ce que j'aime le plus, c'est quand on fait un entraînement gardien. Ce que j'aime le moins, la même chose. Moi, juste courir, faire un tour de terrain, c'est tout. D'accord, donc toi, la course, ça te plaît pas forcément? Si, mais les tours de terrain, non. Ok, ça marche. Et toi, Seb, est-ce que, enfin, à cet âge-là, j'imagine qu'il y a un peu de travail de renforcement musculaire. Est-ce qu'ils s'y prêtent de bon cœur ou c'est compliqué de les motiver à faire des abdos, des pompes ou du gainage, par exemple ? Non, ça va. Là-dessus, ils s'y prêtent assez bien. Et bon, après, c'est tout le reste. À cet âge-là, on sait tous comment ça se passe. C'est surtout dans la rebelle et... On cherche un peu comment ça peut se passer avec les coachs, donc c'est pour ça qu'ils sont venus sur les tours de terrain qu'on fait, ils en ont fait quand même pas mal cette année. Et je pense qu'à un moment donné, on est obligé aussi de pouvoir, nous en tant que coach, se faire respecter. Et après le reste, non, ils sont quand même réceptifs à ce qu'on leur demande de faire, que ce soit renforcement, que ce soit technique ou que ce soit activités diverses, ça va. Ça reste quand même un bon public, même si, si c'est vrai qu'on leur tranche d'âge devient un peu plus compliquée à gérer parce que ils essayent de s'affirmer, je pense, un peu au niveau de leur caractère aussi. Je pense que pour certains joueurs en début d'année, quand ils ont commencé au mois d'août, je pense que ça n'a pas dû être facile pour Anthony, donc à se faire respecter et tout. Donc quand je suis arrivé en octobre, j'ai vu un groupe qui était qui faisait ce qu'il voulait en fin de compte, et le pauvre, il avait vite perdu pied, donc on a vite récupéré tout ça. Et là, en fin d'année, ça fait quand même plusieurs temps que là, il commence à bien comprendre qui est qui, quoi, qui est l'entraîneur et qui est les joueurs. Et ça se ressent dans leur match. Après, c'est vrai que enfin, vous avez un groupe qui est assez conséquent, assez conséquent pour une création d'équipe. Et je dirais que vous êtes quand même, quand on vous voit donc à Lillaroux, vous avez un groupe qui est assez conséquent. Du coup, effectivement, je pense que l'effet de groupe ne devait pas aider Anthony, qui était aussi sur une première expérience dans le coaching. Ben, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, comme on dit, en tout cas, merci à vous d'être là et merci à vous de donner de votre temps pour nos joueurs, pour nos licenciés et surtout pour les accompagner le samedi, parce que c'est vrai que malheureusement sur cette catégorie d'âge, je pense que vous manquez peut-être un peu d'accompagnement des parents, non ? Les parents, oui. Enfin, on pourra toujours remercier Amadou. Grâce à lui, avec son minibus, on a quand même fait beaucoup de déplacements cette année. Et sincèrement, sans minibus, je pense qu'il y aurait beaucoup de forfaits. Non seulement celui-là, le dernier match, là, à Mandoré, s'il n'avait pas été là, ça aurait pu être très très compliqué. Alors c'est vrai que vous avez eu pas mal de déplacements donc sur cette deuxième phase de la saison et effectivement ça reste nous un projet pour le club effectivement d'investir sur un minibus parce que on sait que dans certaines catégories on a du mal à avoir des parents qui suivent et c'est vrai que c'est dommage pour nos garçons qui puissent pas aller faire certains matchs parce que justement on n'a pas de parents qui accompagnent quoi. Ouais. Une dernière question pour les garçons. Est-ce que si vous faites pas de foot, si jamais vous devenez pas joueur pro, vous avez une idée de ce que vous voudriez faire ou pas forcément ? Moi, je me verrais plus faire des études et tout ça. Dans quel domaine ? Dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel. Ouais. Et toi, Raphaël ? Je sais pas, mais un peu d'études, mais après, sinon, je verrai. D'accord, donc t'as pas encore de projet de... Non, vous êtes encore un peu jeune pour ça. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un en particulier, vos copains, votre famille ou... Bah, Amadou. Amadou, juste. C'est grâce à lui. Non. Non, les parents Bah, le coach. D'accord, et toi, Raphaël ? J'aime pas saluer mes grands-parents, mais... D'accord, bah, tu peux le dire en portugais peut-être. Là, on va te juger. O que vem ver, Luzmi. Estou em Portugal e não posso ir ainda. De não é as férias. Ok, donc pour ceux qui ne parlent pas portugais, donc il dit qu'il ne peut pas encore avoir ses grands-parents parce qu'il n'est pas encore en vacances et qu'ils sont au Portugal. Toi, Seb, aussi un petit dernier mot ? Bon, ça sera pour toute l'équipe U15. Et j'invite d'ailleurs samedi ceux qui veulent venir au stade Beltest. Il y aura une remise de prix de ma part et de celle à Anthony pour notre meilleur buteur. D'accord. Et il est déjà défini ou pas encore? Ça va dépendre du dernier match. Pour l'instant, on a Amadou qui est largement en tête. Donc voilà, c'est pas une surprise pour le groupe, je pense, de voir Amadou en tête du classement. Mais voilà, il y aura une petite remise à la fin du match. Et en espérant qu'on puisse faire ça et fêter ça avec la belle victoire qu'on va faire. Oui, en tout cas, on espère en tout cas pour vous et pour les garçons une belle victoire. Est-ce que sur la fin de saison, vous avez prévu des tournois ou quelques matchs amicaux pour l'instant, je crois que Anthony en a vu un, donc il faut qu'on en reparle parce qu'on a été déçus quand même un petit peu par les garçons. Donc on avait, au début, on voulait vraiment pas faire quelque chose parce que ça a vraiment pas été. Mais maintenant, je pense que oui, on va faire quand même des matchs amicaux, déjà pour nous, pour voir les futurs joueurs qu'on va avoir, et puis bah, pour finir la saison en beauté. Très bien, en tout cas, merci à vous d'être venu ce soir donc sur 100% Union. Et puis on se croisera donc mardi et jeudi aux entraînements, et puis samedi à Beltest donc pour votre match. Donc juste avant d'aborder les matchs du week-end, Yousra, les anniversaires. Oui, donc nous souhaitons un joyeux anniversaire à Elogossa qui fête son anniversaire le 4 mai, ainsi qu'un joueur U15, ainsi qu'à Laurent, joueur U13, qui fête son anniversaire ce 5 mai, à Saliou, joueur U15 également, qui fête son anniversaire le 6 mai, et à Raphaël, joueur U11, qui fête son anniversaire le 8 mai. Parabéns à tous. Donc voilà les garçons, vous savez à qui vous adressez pour avoir un coup à boire aux futurs entraînements. Donc Elogossa et Saliou, donc ils font partie de votre catégorie, donc ils fêteront leur anniversaire cette semaine. On aborde pour terminer les matchs à venir pour ce week-end. Donc on aura que des matchs à domicile, donc l'Union reçoit ce week-end. Oui, donc l'équipe 3 des U11 reçoit à Lillaro à domicile l'équipe de Darvois, l'équipe U11. Donc match à 11h ce samedi. Ensuite, à 18h, toujours pour ce samedi, l'équipe 1 des U17 recevra l'équipe de Ingré. Et ensuite, l'équipe U15 recevra l'entente RCBB. Donc Bouzy-les-Bordes. À domicile, à 16h. Et dernier match de ce samedi, l'équipe U19 recevra à domicile l'équipe de Semois à 18h. Et pour ce dimanche, l'équipe des seniors reçoit à domicile l'équipe de Sully-sur-Loire. Donc petite précision, suite à une décision de la mairie, donc les matchs du foot à 11 se dérouleront donc au stade Beltest, sur Orléans Nord du coup. Seuls les matchs du foot animation se dérouleront donc à Lillaro, donc on aura seulement le match des U11 à Lillaro. Tous les autres matchs du week-end auront lieu au stade Beltest. Donc voilà pour nous aujourd'hui. Donc juste comme toutes les semaines, quelques petites annonces. Donc quand vous avez la possibilité, n'hésitez pas à passer au siège de l'Union Portugaise, donc au 231 bis rue du Faubourg Saint-Vincent. Donc le président sera content de vous y recevoir. On commence à préparer, donc comme l'a dit tout à l'heure un peu Sébastien, on commence à préparer la saison qui arrive, donc la saison 2022-2023. Donc on cherche toujours des éducateurs. Donc si certains d'entre vous sont intéressés et veulent avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit directement à Lillaro, donc les mardis et jeudis, jours d'entraînement, ou après sur les réseaux sociaux, donc vous avez sur Facebook, donc Union Portugaise d'Orléans, sur Instagram aussi, où vous avez pareil toutes les infos, donc tous les résultats, tous les matchs du week-end, ainsi que des photos de certaines rencontres. Autre annonce, nous avons des partenaires qui recherchent des salariés, donc on a un couvreur et un plombier, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous et puis on vous communiquera les infos pour ça. Donc voilà, on va se quitter donc en chanson, et vous aurez juste après Manu avec son émission On The Rock, et pour plus d'infos générales sur le sport, un peu plus tard dans la soirée, vous avez l'émission de Rémi, la rédac du sport, donc pareil, qui reviendra à lui sur tous les matchs du week-end, un peu sur les différents championnats, championnats donc européens. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Bonne semaine à tous. Pour mes joueurs, ou pour les joueurs U15 qui sont là, donc rendez-vous mardi et jeudi aux entraînements. Et puis voilà. Quittons les Rita Mitsuko pour retrouver Catherine Ringer au début du générique.